pour que nature vive. Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Un ours polaire ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir. On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment. Pour que nature vive, le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Selon un rapport du WWF, figurez-vous que nous ingérerions de façon hebdomadaire l'équivalent d'une carte bleue, soit 5 grammes de microplastique par semaine. Si ce chiffre est discutable, ce qui l'est moins, c'est la contamination globale, totale, de l'ensemble de la planète par ces microplastiques. C'est bien simple, les scientifiques en retrouvent partout. Dans 100% des prélèvements sur toutes les mers, dans tous les fleuves, jusque dans les recoins les plus reculés de l'Antarctique ou au sommet des montagnes, loin de toute civilisation. Si rien n'est fait, cette quantité pourrait tripler en 20 ans, mais si nous réagissons, il est possible d'en réduire la quantité de 80%. Les microplastiques, c'est pas fantastique, c'est le programme invasif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette contamination systémique et systématique de notre planète, mais aussi et peut-être surtout des moyens d'y remédier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Guiglione. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnoul-sur-Mer. Et nous sommes également en ligne avec Alexandra Terral. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je prononce bien votre nom? Terral, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Super, merci. Vous êtes responsable scientifique des expéditions 7e continent et chargé de recherche CNRS à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Mais on commence par voguer sur l'océan de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la plus grande analyse épidémiologique sur le Covid-19 en Inde qui vient de paraître récemment dans la revue Science. Oui, c'est une grande étude d'épidémiologie sur des données d'infection et de suivi contact dans deux états du sud de l'Inde. Une équipe américaine a regroupé les données de près de 600 000 personnes exposées à 85 000 cas confirmés de Covid-19. Ce sont des cohortes énormes. Mais attention, compte tenu de la culture et de la démographie du pays, l'Inde a l'une des populations les plus jeunes du monde, les résultats de ce papier ne sont pas forcément applicables à d'autres régions du globe. Lorsqu'on examine la propagation du Covid-19, on se rend compte que, dans le sud de l'Inde, les transmissions se font sur des classes d'âge plus jeunes, sur les 20-44 ans. De plus, l'écrasante majorité des cas de contamination se fait par des super-propagateurs. Alors les super-propagateurs, c'est quelque chose de bien connu en épidémiologie et que l'on a mis en évidence lors de l'épidémie de SRAS vers 2003. Florence Debar est chargée de recherche au CNRS et modélisatrice en écologie et évolution impliquée dans l'initiative MODCOV-19. C'est aussi intéressant parce que beaucoup de données dans la littérature viennent soit de Chine, soit d'Europe, soit d'Amérique du Nord, mais une grande partie du monde est sous-représentée et donc ça permet d'avoir un autre volet de l'épidémie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des données de suivi de contact, c'est-à-dire pour des cas infectés, ils ont demandé les contacts que les personnes avaient eu, qu'ils ont pu classer notamment en des contacts à faible risque et des contacts à plus fort risque. Et ils ont pu tester une partie de ces contacts et voir combien parmi les contacts avaient été infectés. Et ce qui est intéressant, c'est que pour un peu plus de 70% des cas index, il n'y a pas eu d'identification de contacts secondaires positifs testés par PCR. C'est-à-dire que 70% des infections, on a pour elles, on n'a pas trouvé de cas secondaires. Et ça veut dire que, inversement, la plupart de l'infection était due à peu de personnes, en somme. Et c'est ça ce qui permet de parler d'événements de super propagation. C'est-à-dire que la distribution des infections secondaires est particulière. Donc il y a peu de gens qui transmettent à beaucoup et beaucoup qui transmettent à peu, voire à personne. Voilà, et on continue le suivi quotidien dans le journal des sciences de l'actualité scientifique et de la recherche autour du Covid-19. Et puis tous les vendredis matins également dans la question du jour de la matinale chez le camarade Guillaume Herner aux alentours de 7h15 pour la radiographie du coronavirus. Et on passe au bref. Selon un rapport de l'ONU, les catastrophes naturelles ont doublé en 20 ans. Et depuis 1999, on compte 7348 désastres naturels, avec un coût humain de 1,23 million de décès et un coût économique d'au moins 3000 milliards de dollars. La Chine est le pays le plus touché par les catastrophes naturelles, suivi par les États-Unis, l'Inde, les Philippines et l'Indonésie. En l'espace de 20 ans, partout dans le monde, les tempêtes ont presque doublé, les inondations ont augmenté de 134% et les vagues de chaleur, elles, de 232%. Ce sera d'ailleurs le problème majeur de la décennie à venir. Selon les experts de l'ONU, cette accélération de phénomènes météorologiques extrêmes est directement liée au réchauffement climatique, mais aussi à l'urbanisation sauvage et à la déforestation. Selon une étude parue dans PNAS, le venin de guêpe pourrait contenir un puissant antibiotique. Avec la croissance de l'antibiorésistance, on recherche des nouvelles molécules un peu partout. Une équipe américaine vient de prouver qu'un peptide issu du venin de guêpe pouvait être prometteur. Sur une guêpe coréenne, les chercheurs ont extrait du mastoparan L, un peptide nocif qui peut détruire les globules rouges, mais qui est aussi capable de tuer des bactéries. Ils ont ensuite modifié ce peptide pour créer du mastoparan MO. La nouvelle molécule a été testée sur des souris infectées par E. coli, une super bactérie. Résultat, 80% des souris traitées ont survécu. Selon ce papier, le mastoparan MO pourrait être associé avec d'autres médicaments pour améliorer la réponse antimicrobienne. Et enfin, une étude parue dans la revue ACS Applied Materials and Interfaces décrit la première impression directe de capteurs électroniques sur la peau et sur une main en l'occurrence. C'est un peu l'évolution ultime des montres ou des électrodes portables de surveillance de santé. Cette équipe américaine a imprimé sur la peau une fine couche de motifs métalliques souples et qui conservent leur capacité électromécanique. C'est comme une carte de circuit imprimée, mais flexible. Pour souder les nanoparticules d'argent, les chercheurs ont contourné les traditionnels 300 degrés Celsius. Ils ont réussi à lier les composants métalliques à température ambiante. L'impression est donc indolore. Les capteurs ont pu mesurer avec précision la température, le rythme cardiaque et les niveaux d'oxygène dans le sang. Les capteurs se dissolvent ensuite simplement avec de l'eau chaude. Merci beaucoup Natacha. Comme d'habitude, tous les liens vers ces études du Journal des Sciences ainsi que plusieurs études au cours de l'émission à retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Il aura fallu 200 ans pour que le plastique, depuis son invention au début du 19e siècle, colonise absolument tous les recoins de notre planète. La pollution aux microplastiques est, comme je le disais tout à l'heure, systémique et systématique. Il y en a partout, dans les mers, dans les océans, les fleuves, les montagnes, des glaciers. Quelle que soit la distance de la civilisation, il y a du microplastique. Nous produisons aujourd'hui encore 300 millions de tonnes de plastique par an et cette production est toujours en augmentation, menaçant de tripler d'ici 20 ans en 2040. Si la quantité de plastique rejeté dans l'environnement. Mais ce scénario n'est heureusement pas le seul. Il est possible dès maintenant de faire chuter drastiquement cette population et cette rejet de matière plastique jusqu'à 80%. C'est ce dont nous allons parler au cours de cette heure. Parce que si aujourd'hui le plastique est considéré donc comme un ennemi de l'environnement et sa production a vocation à être strictement encadrée, ce n'est que depuis assez peu de temps, comme en témoigne notre archive du jour. Les matières plastiques ont conquis un immense domaine d'utilisation. Il est bien connu que les matières plastiques remplacent maintenant, dans un nombre considérable d'applications, les matériaux de construction comme le bois, les métaux et les alliages. Mais il existe d'autres emplois techniques non moins importants. Les verres organiques, notamment, présentent l'avantage sur le verre ordinaire d'une grande légèreté, ce qui les fait apprécier dans la construction aéronautique, et d'une absence de fragilité qui les fait qualifier de verres incassables. L'industrie des colles et des adhésifs a bénéficié également des matières plastiques pour le collage du bois et des métaux. L'industrie électrique a largement utilisé des matières plastiques. Les bakélites ont été, dès leur création, considérées comme des matières isolantes particulièrement intéressantes. Mais de nouvelles matières plastiques ont fourni, pour des inventions récentes, comme le radar et la télévision, des isolants remarquablement adaptés à la haute fréquence et absolument irremplaçables. L'industrie des peintures et vernis a pu substituer à des substances coûteuses et d'origine non métropolitaine, comme certaines huiles cicatives, des matières plastiques qui interviennent comme liants dans les peintures, avec des propriétés remarquables de souplesse et de résistance aux agents atmosphériques. Mais le domaine qui, peut-être, retient actuellement le plus l'attention du public est celui des fibres textiles synthétiques, par le succès que les matières plastiques ont obtenu dans ce genre d'application. Voilà, nous sommes en 1956. Comme un écho à cette archive, une étude vient d'être publiée précisément sur les rejets de microplastiques liés aux machines à laver et à ces fameuses fibres synthétiques de nos vêtements. Une réaction peut-être l'un et l'autre pour commencer à cette archive et à ce changement, disons, de regard que nous pouvons avoir aujourd'hui sur les matières plastiques en règle générale, Alexandra Terral. Oui, alors il est très intéressant ce reportage. On voit bien qu'il y a des domaines d'application dans la construction ou dans le transport qui sont vraiment très intéressants pour des gains énergétiques ou de légèreté de matériaux, donc pour des bilans carbone qui sont intéressants. Donc toutes ces applications elles sont importantes. Ce qu'on voit quand on fait des prélèvements dans l'environnement, c'est que c'est essentiellement des emballages ou des objets à usage unique que l'on retrouve, et pas forcément ces objets qui servent pour le transport ou pour la construction. Donc le problème vient, je pointerai plus le doigt sur l'emballage et la collecte de ce type d'objet pour ce qui concerne les problèmes environnementaux. Jean-François Guiglione, on peut dire qu'il y a, entre guillemets, avec toutes les précautions d'usage, du bon et du mauvais plastique aujourd'hui ? Oui, c'était ce qui était un petit peu décrit en fait dans ce que vous venez de retranscrire. En fait, ici, ce qui est important, c'est de se rappeler que le plastique, il a différentes propriétés qui sont particulièrement intéressantes. Il est léger, on peut en faire un peu toutes les formes, il est surtout bon marché et il est durable. Et en fait, c'est sur ce dernier aspect en fait qu'on a mal utilisé le plastique. Parce qu'aujourd'hui, on prend quelque chose qui est durable pour faire de l'emballage et des choses qui sont à usage unique. Et c'est là où on s'est trompé, en fait. Et on en voit les impacts directement dans l'environnement, comme le disait Alexandra Terral. En fait, quand on va sur le terrain, ce qu'on se rend compte, en fait, on retrouve pas des Rolex, on retrouve pas des portables. Les Rolex sont rarement en plastique, si je puis me permettre. Je suis pas sûr que l'exemple soit tout à fait pertinent. On retrouve pas, je veux dire, des choses qui soi-disant coûtent cher. On retrouve, en fait, des choses que les gens considèrent comme qui coûtent rien en réalité, et on trouve essentiellement en fait ces emballages en mer qui devraient pas être utilisés, qui devraient pas être en plastique. Est-ce qu'on a une vue globale aujourd'hui de la production de plastique mondiale qui, je crois, et je parle là aussi sous votre contrôle, est toujours en augmentation année après année, Alexandra Terral? Oui, c'est ça. On a dépassé, je pense, les 400 millions de tonnes produites par an, et c'est en constante augmentation. Je pense que ça va être multiplié par 10 d'ici 25 ans. Mais alors, on a pas tout. Moi, j'avais multiplié, ouais. J'avais multiplié par 3 en 20 ans. Multiplié par 3 en 20 ans. Ouais. D'accord. Mais enfin, ensuite, bon, en tout cas, ça continue. Peut-être Jean-François Guiglione a des chiffres ou des tendances plus précises. Oui, non, c'est ça. En fait, on est aujourd'hui proche des 400 millions de tonnes par an, et effectivement, on dit que ça va être multiplié par 2 à 5 à voire 10 dans les prochaines années, parce que en fait, c'est très difficile à estimer. On est dans une société de surconsommation du jetable, et aujourd'hui, on se demande est-ce qu'on va faire un frein en fait par rapport à cette surconsommation du jetable ou pas, et du coup, les estimations peuvent varier. Alors, je vais renvoyer nos auditrices et nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément à la production de plastique et sur les plastiques en règle générale. L'émission d'aujourd'hui s'intéresse aux microplastiques et on va voir de quoi il retourne dans quelques secondes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de ces microplastiques qui sont, comme je le disais et comme nous allons le voir, strictement partout à la surface de notre planète, mais aussi dans les organismes vivants, y compris dans les nôtres. Nous en parlons avec Alexandra Terral et Jean-François Guiglione. Qu'est-ce qu'on appelle exactement microplastique, Alexandra Terral ? Alors, un microplastique, c'est une petite particule de plastique qui fait moins de 1 mm. Donc en fait, c'est une petite particule qui est grande comme un grain de riz, une petite miette de pain. Ils sont encore visibles à l'œil. Et puis ensuite, on va descendre dans des catégories de taille qui vont être microscopiques. Et là, les enjeux techniques, technologiques pour pouvoir les détecter et les comptabiliser sont encore importants. Et on a beaucoup plus de connaissances sur l'occurrence des microplastiques visibles à l'œil nu dans l'environnement que ceux qui sont invisibles. Quelle est l'échelle de leur taille ? Parce qu'on parle de microplastiques de façon générique, mais on pourrait parler également de nanoplastiques, Jean-François Guiglione. Ça va de quelle taille à quelle taille ? Est-ce qu'il y a un plus petit recensé ? Enfin, donnez-nous un peu une idée de la tératologie de ces microplastiques en quelques mots. Alors, les microplastiques, c'est ce qu'on définit en fait un microplastique, tout ce qui va être en dessous de 5 mm. Donc après, comme disait Alexandra Terral, c'est ce qui est visible, c'est entre 5 mm et 1 mm. Mais ensuite, on va avoir toute une gamme de tailles en dessous qui va aller du millimètre jusqu'au micromètre. Et là, on englobe toutes les matières textiles. Et ensuite, on a en dessous du micromètre les nanoplastiques. Et ceux-là, en fait, sont très difficiles à mesurer. Je crois qu'Alexandra est une des seules à réussir à mesurer ces nanoparticules, donc elle pourra nous en parler un peu plus. Mais on a globalement ces classes de taille. Et ce qu'il faudrait préciser, en fait, sur les microplastiques, c'est qu'ils ont deux origines. La première, c'est qu'ils sont directement, en fait, sous forme de microplastiques, qui sont vendus comme des microplastiques. Mmh. Par exemple, dans le textile, dans les pneus, toutes les microbilles exfoliants, dans les cosmétiques, qui sont beaucoup, beaucoup utilisés. Et là, ça va représenter ce qu'on appelle les microplastiques primaires, donc qui représentent 15 à 30% de ce qu'on trouve dans l'environnement. Et 70% en fait des plastiques qu'on va retrouver dans l'environnement, c'est des produits de dégradation d'un gros morceau de plastique qui se dégrade petit à petit sous l'effet des UV, des vagues et de l'abrasion, et également un petit peu de la biologie. Et ça va arriver justement jusqu'aux nanoparticules, et c'est ça qui va faire la transformation un peu de tous les plastiques jusqu'au tout petit. Mmh. Alexandra Terral, alors justement, vous avez, on peut les chiffrer, ces microplastiques, comment est-ce que en extrapolant sur des modèles, on a une idée de la quantité qui se balade en circulation à la surface du globe ? Ah bah oui, ça c'est une question qui avait des enjeux scientifiques vraiment passionnants ces dernières années. Il y a environ une dizaine d'années, il y a un chercheur anglais, Richard Thompson, qui a écrit un article dans lequel il pointait du doigt tout ce qui était microplastique, qui était invisible, et qui il disait en fait on ne sait pas les mesurer et quelle quantité ça peut représenter. Et puis en 2015, on a eu un premier article dans Science qui a fait une estimation des quantités de plastique qui étaient rejetées en mer et des quantités qui pouvaient s'accumuler en mer. Et la même année, il y a des physiciens océanographes. Ah, manifestement, on a eu un petit problème de liaison. Jean-François Guiglione, vous voulez... Attendez, non, on vous a récupéré. Ouais. Allez, vous m'entendez, Alexandra Terral. On a eu un petit problème un petit problème de liaison, mais allez-y, poursuivez. Donc en fait, en 2015, c'était une année un peu pilier dans ce domaine, parce qu'on estimait qu'il y avait à peu près 150 millions de tonnes cumulées qui avaient été rejetées dans les océans depuis les années 1950. Et puis ce qu'on savait localiser, c'était à peu près 1000 à 100 fois inférieur. Donc en fait, on se demandait où se trouvait tout le reste. Et puis cet été, il y a des chercheurs anglais, l'équipe de Richard Lampitte, qui a fait des mesures sur les 200 premiers mètres dans l'océan Atlantique pour des plastiques à l'échelle du micron, qui sont plus visibles à l'œil. Et en fait, ils ont estimé que globalement, il y aurait 100 fois plus de plastique que ce qu'on avait mesuré jusque-là. Donc en fait, la proportion de ces particules qui sont invisibles, elle est supérieure à ceux qui sont visibles, en fait. Et alors, les nanoplastiques, on sait les détecter depuis quelques années. Et les quantifier, c'est vraiment encore très compliqué et on n'arrive pas à faire de bilan sur les nanoplastiques. Mmh. Les nanoplastiques, ils sont un million de fois plus petits que les microplastiques. Donc vous voyez quel genre de, de défi technologique c'est pour pouvoir les doser. À défaut de pouvoir les dénombrer, on a en tout cas aujourd'hui, Jean-François Guiglione, la certitude que ces micro et nanoplastiques, on en trouve littéralement, strictement, c'est-à-dire vraiment au sens propre du terme, partout à la surface du globe. Ouais, j'ai la chance en fait d'aller dans un peu partout dans le monde et à chaque fois qu'on fait des prélèvements, effectivement, on trouve des microplastiques un peu partout. Alors, il faut quand même relativiser ça parce qu'il y a des zones dans le monde, comme nombreux le savent en fait, où on a une accumulation de microplastiques. Donc, on connaît ce fameux gyre du Pacifique Nord, mais il y a 5 gyres océaniques où les plastiques vont s'accumuler. Surtout en surface, où là on a des concentrations qui sont assez énormes, et on a des zones comme la Méditerranée qui est juste devant chez nous en fait, qui est aussi une des zones les plus polluées au monde par les microplastiques. Donc les microplastiques ils s'accumulent à certains endroits, mais il faut garder l'idée en fait qu'ils sont vraiment répartis partout dans les océans. Mais ce que je veux dire, Jean-François Guiglione, c'est que dans les différentes expéditions, parce que l'un et l'autre, vous avez été vous sur Tara Océan, Alexandra Terral a été sur l'expédition 7e continent, on trouve des microplastiques, je veux dire, dans 100% des prélèvements. Ouais, c'est assez systématique. Ouais. À chaque fois qu'on met, comment on fait ? En fait, on est avec un bateau, on traîne derrière nous un filet avec une maille qui est assez petite, qui est de l'ordre de 300 micromètres, et on laisse traîner ce filet pendant une heure. Donc, on va filtrer à peu près 10 000 litres d'eau, et dans ces 10 000 litres d'eau, systématiquement, on trouve entre 1 jusqu'à 200 morceaux de plastique qui vont être qu'on va ensuite analyser en laboratoire. Alexandra Terral, vous confirmez ? Oui, je confirme. Et à l'échelle du nanomètre, on fait des mesures, on les détecte dans quasiment tous les échantillons. Et là, ça devient même un défi, enfin très compliqué en laboratoire, parce que notre environnement dans un laboratoire, il est aussi fait de beaucoup de plastique. Et donc, quand on va aller descendre jusqu'à l'échelle du nanomètre, il faut prendre vraiment énormément de précautions pour pas contaminer notre échantillon, parce qu'on se rend compte que on est entouré de plastique, même dans un laboratoire de chimie. Il y a des observations. Alors on va pas toutes les recenser parce qu'il y en a beaucoup, des observations et du recensement de microplastiques en Antarctique, dans les glaciers, au Groenland. On en trouve également, et j'ai le souvenir d'une publication dans une vallée pyrénéenne relativement isolée de la civilisation, laissant entendre que le plastique peut même pleuvoir, des microplastiques peuvent être contaminés et répartis, des paysages peuvent être répartis, contaminés plutôt à cause d'une pluie, entre guillemets, de microplastiques, Alexandra Terral ? Oui, voilà, c'est ça. Les premières mesures atmosphériques ont été faites il y a 4 ou 5 ans par des chercheurs français en région parisienne, et ils ont effectivement dosé des plastiques et beaucoup de fibres synthétiques dans l'eau de pluie parisienne. Et puis, il y a cette équipe de chercheurs toulousains qui a aussi montré que dans des endroits reculés comme en haut des Pyrénées, il pouvait y avoir un transport atmosphérique sur des grandes distances du plastique. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce cycle des microplastiques, puisqu'on est face à un cycle qui ressemble malheureusement à d'autres cycles naturels. Et pour comprendre justement cette répartition, notamment entre les milieux urbains et les milieux fluviaux puis océaniques, eh bien, nous sommes allés à la rencontre d'une équipe du laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains de l'Université Paris-Est Créteil qui analyse donc la circulation de ces résidus plastiques. C'est le reportage du jour. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, il est nécessaire d'étudier aussi les environnements urbains car les microplastiques peuvent circuler à la fois dans les cours d'eau et dans l'air. Rachid Driss et Bruno Tassin, directeurs de recherche en hydrologie, étudient les concentrations de microplastiques à échelle de l'agglomération parisienne. L'enjeu est de déterminer les sources et les flux de ces microplastiques entre l'atmosphère et les milieux aquatiques. Techniquement, après avoir placé des filtres dans des endroits stratégiques, ils analysent la quantité et la diversité des microplastiques récupérés par analyse spectrométrique. Alors, si leurs travaux n'ont pas pour vocation directement de donner un indicateur sanitaire, ils permettent de fournir des avis pour les décideurs et les pouvoirs publics. En fait, le LESU est un laboratoire qui s'intéresse beaucoup aux questions d'eau dans la ville et de contamination de l'eau dans la ville. On a eu l'occasion de voir la question de la contamination des océans et des zones littorales par les plastiques. Et la réflexion qu'on a eue, c'est mais finalement, quel est le rôle de la ville dans la production de ces plastiques et comment se fait le transfert vers les océans. Donc grosso modo, la question qu'on se posait sur ces micropolluants, on l'a transférée aux microplastiques. Alors cette dynamique, cette méthode scientifique qu'on a, consiste en quoi ? Consiste à regarder au niveau urbain quelles sont les sources, quels sont les flux, quels sont les puits. Et au niveau des sources, eh bien forcément, il y a l'atmosphère. Donc une des premières choses qu'on a fait a été de regarder quels étaient les plastiques qu'on pouvait trouver dans des retombées atmosphériques. Et ensuite, de regarder comment est-ce que ces plastiques pouvaient ensuite rejoindre de milieux naturels. Donc nous nous trouvons en ce moment à la MSE, Maison Sciences de l'Environnement de l'UPEC, et c'est ici que vont se faire la plupart des analyses des microplastiques du Lésu. Ça ressemble vraiment à un labo de chimie en fait. Oui, c'est tout à fait un labo de chimie. Donc ici, nous nous trouvons devant un microscope IRTF, donc infrarouge à transformer de Fourier. Au niveau de ce microscope, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un filtre sur lequel nous avons déjà filtré notre échantillon. Et on va le prendre avec une pince, déposer notre filtre, comme vous pouvez le voir, au niveau de ce microscope IRTF. Alors, nous avons pris donc un échantillon qui a été prélevé au niveau de la Seine. Ensuite, cet échantillon a été traité, c'est-à-dire qu'on a mis de l'H2O2 dedans pour éliminer toute la matière organique. On a fait une séparation densimétrique pour éliminer les particules minérales et ne garder que les microplastiques. Une fois qu'on avait ces microplastiques-là, nous avons filtré cette eau au niveau donc d'un filtre en alumine. Et ce filtre en alumine, maintenant, nous pouvons le placer sur le porteur, sur la platine de l'IRTF. Donc, au niveau du spectromètre, ce qui va se passer, c'est qu'on va sélectionner une zone de ce filtre et on va analyser toutes les particules qui se trouvent sur cette zone. Donc, analyser les particules, c'est quoi ? C'est qu'on va envoyer un faisceau infrarouge au niveau des particules et ces particules vont absorber ce faisceau à différentes longueurs d'onde. Selon les longueurs d'onde d'absorption, nous allons savoir de quel polymère il s'agit. Donc savoir déjà si c'est du plastique ou pas, parce que dans ces échantillons, il n'y a pas forcément que des plastiques. Et ensuite, si la particule a bien une signature de plastique, on saura en plus de quel plastique il s'agit. On pourra regarder là, par exemple. Oui, alors, ce que nous avons fait exactement, c'est une cartographie de notre échantillon. Donc ici, on a une surface qui fait environ 8 mm sur 8 mm. Et au niveau de cette surface, on va faire passer notre faisceau infrarouge. Et à la fin, on va avoir un code couleur qui va apparaître. Et on va se placer là où des particules ont été détectées, ce qui va nous donner un spectre. Donc au niveau de ce spectre, on va pouvoir le comparer avec une base de données. Et ça va nous permettre de savoir de quel polymère il s'agit. Donc en fait, au niveau de cet infrarouge, ce qu'on va avoir, c'est des pics d'intensité par rapport à une longueur d'onde. Et chaque polymère va avoir une signature particulière parce que l'absorption se fait à des longueurs d'onde différentes selon les groupements chimiques qui se trouvent au niveau du polymère, selon sa formule chimique. À la fin, on va avoir le spectre de chaque particule et donc on va savoir exactement combien de particules on a par polymère. Ce qui va nous permettre au final de savoir finalement quelles sont les concentrations de plastique dans l'environnement. Là, on peut deviner les fibres, là. Elles font... Alors sur la photo que vous voyez ici, plusieurs millimètres. Effectivement, il y a plusieurs fibres qui ont différentes tailles. Et là, vous pourriez me dire, par exemple, cette fibre-là, ce que c'est exactement comme plastique ? Alors, dans ce cas, par exemple, une fibre de polypropylène. Qui pourrait provenir de quoi, par exemple, dans nos environnements urbains ? Alors, déjà, on peut se douter que c'est essentiellement du textile. Ensuite, on peut retrouver plusieurs particules. Essentiellement, on va voir des particules de polyéthylène, comme la particule qu'on a ici. Ou encore du polyéthylène téréphtalate qui va provenir beaucoup des bouteilles, le polyéthylène qui provient surtout des sachets, le polypropylène aussi qui provient beaucoup des sachets. Tous les résultats que vous pouvez produire à l'issue de ces études-là peuvent être utiles pour des conseils sanitaires, de surveillance, de pollution peut-être ? C'est vrai que ce qu'on observe ici, c'est quelque chose ensuite qui peut être comparé avec ce qu'on observe ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant pour voir s'il y a des sites qui sont plus pollués, moins pollués, essayer de comparer tout ceci. Nous, on ne regarde pas du tout les questions d'impact sur la santé. Il y a d'autres gens qui travaillent là-dessus, nous, on ne travaille pas du tout là-dessus. Et puis ensuite, c'est des choses qui intéressent les collectivités territoriales. C'est des choses qui intéressent aussi les autorités de l'État, en particulier le ministère de la Transition écologique, et qui nous demande notre avis. Donc voilà, on est régulièrement consulté par différents organismes pour à la fois jouer un rôle d'expert et puis de transmission d'informations de ce qu'on peut observer à travers de nos travaux. Voilà le reportage au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains à l'Université Paris-Est Créteil sur ce cycle, l'une des parties de ce cycle des microplastiques. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jean-François Guillion? Oui, on s'attendait pas vraiment à avoir des plastiques jusqu'aux nuages. Ouais. Vrai que maintenant, ils font vraiment partie d'un cycle. Et comme vous le disiez, en fait, on va en trouver partout. On en trouve même dans le fond des océans, dans la fosse des Mariannes. Il y a un sous-marin l'année dernière qui était descendu dans la fosse des Mariannes. Mmh. La première chose qu'il a trouvé, c'est un sac en plastique. Et quand on a prélevé des animaux à 10 000 mètres de profondeur, on s'est rendu compte qu'ils avaient du plastique. Donc, il y a vraiment plus trop d'environnements, en fait, qui sont libres de ces plastiques. Alexandra Terral. Ben, je trouve ce vraiment super et je voulais insister sur le fait que vous voyez la quantité de travail que ça requiert pour pouvoir extraire ces particules du plastique du milieu naturel. Il y a dans une rivière, particules organiques, particules organiques, et en fait, il faut sortir le plastique de ça. Et vous voyez toutes les précautions qu'on prend pour vraiment s'assurer que quand on un chiffre, une concentration, on s'est bien assuré que c'était du plastique qu'on détectait. Et il y a encore une grande partie de ce travail qui est très, du tout automatisé. Enfin, c'est vraiment très artisanal, vous voulez dire, peut-être. Voilà, c'est très artisanal. On va, Alexandra Terral, je vous coupe, je suis désolé parce que la liaison est vraiment pas très bonne. On va essayer de vous rappeler, on va revenir à quelque chose d'intéressant, c'est que ce microplastique, vous allez voir que non seulement il est partout, mais par ailleurs, il modifie aussi l'environnement, il modifie les écosystèmes, pas seulement du fait de l'ingestion, mais vous allez voir que à travers notamment l'agrégation de bactéries, d'un certain nombre de composés vivants, vous allez voir que l'influence générique de ces microplastiques est bien plus importante que la seule pollution qu'on peut lui attribuer, ce sera dans quelques minutes. Plastic Age des Buggles à 16h33 sur France Culture. Nous parlons de l'âge du plastique, ou plus exactement de l'âge des microplastiques, tout au long de cette heure, avec Alexandra Terral, qui est responsable scientifique des expéditions 7e continent et chargée de recherche CNRS à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et avec Jean-François Guiglione, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnoul-sur-Mer. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Robin Trey. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en dernière année à à l'École nationale des ponts et chaussées et à l'Université Paris-Est Créteil. Vous travaillez sur les macro- et microplastiques dans le bassin de la Seine. Bienvenue à la recherche Montre en main, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Merci à France Culture pour cette invitation. Je vais d'abord recontextualiser ma thèse. Alors, pour résumer, des travaux antérieurs ont prouvé que la majeure partie des déchets plastiques qui se retrouvent en mer est issue des continents et surtout des zones densément peuplées. Cependant, sur les territoires, il existe aujourd'hui une grande incertitude concernant la quantification des rejets de macro- et microplastiques dans l'environnement. Pour rappel, on définit la limite de taille entre macro- et microplastique à 5 mm, c'est-à-dire qu'une particule plastique inférieure à 5 mm est un microplastique. Pour pallier ces incertitudes, j'étudie aujourd'hui les macro- et microplastiques dans le bassin de la Seine avec Rachid Driss, Johnny Gasperi et Bruno Tassin, qui ont initié les travaux sur les microplastiques dans l'agglomération parisienne et notamment sur les fibres, ainsi que Romain Tramois, avec qui nous travaillons sur les macroplastiques. Le but de ma thèse est de quantifier les flux de déchets plastiques transitant de la mégalopole parisienne vers le milieu naturel. Alors à ce stade, vous vous posez peut-être la question de savoir comment faire pour étudier les macro- et microplastiques. Pour les macroplastiques, c'est-à-dire les plus gros déchets, il existe différentes méthodes. Mais il est par exemple possible de faire des comptages à l'œil nu, depuis des ponts, ou encore d'utiliser des pièges à déchets plastiques tels que des grilles métalliques, des barrages ou encore des filets. Pour les étudier, on peut aussi se servir de balises GPS, comme l'a fait un de nos collègues Romain Tramois, qui a étudié la dynamique des macroplastiques dans l'estuaire de la Seine et a estimé que 100 à 200 tonnes de déchets plastiques sont rejetés chaque année de l'estuaire vers la mer. Mais qu'en est-il des microplastiques qui ont une taille bien inférieure? Eh bien, pour les microplastiques, on utilise des filets qui vont présenter une maille très fine, jusqu'à quelques dizaines de micromètres, que l'on va plonger un certain temps dans la Seine ou dans les eaux urbaines pour récupérer des échantillons qui contiennent à la fois des microplastiques, mais aussi de la matière non plastique. Ces échantillons sont ensuite traités en laboratoire en deux grandes étapes. La première consiste à dissoudre la matière organique et la seconde à séparer les plastiques des particules minérales pour extraire uniquement les microplastiques. Une fois traités, il faut réussir à identifier le type de polymère de chaque particule. Alors j'utilise un mot un peu barbare, mais pour les distinguer, je me sers de méthodes de spectroscopie infrarouge. Pour faire simple, on regarde à l'aide d'un appareil quelles sont les interactions entre la lumière et les particules de plastique pour déterminer la nature chimique des polymères. Nous nous sommes notamment penchés sur les fibres plastiques, issues par exemple de la dégradation des textiles, qui sont omniprésents dans tous les compartiments environnementaux, dans l'air, dans l'eau, dans les sédiments et dans le vivant. Ainsi, nous avons pu estimer que les eaux de la Seine en aval de l'agglomération parisienne peuvent contenir jusqu'à 70 microplastiques par mètre cube. En comparaison, les eaux de ruissellement du Grand Paris, c'est-à-dire les eaux de pluie qui ont ruisselé sur les trottoirs ou les autres surfaces imperméables, peuvent contenir jusqu'à 10 000 microplastiques par mètre cube. Les eaux urbaines concentrent donc un nombre bien plus important de microplastiques que les eaux de la Seine. Il reste encore beaucoup de questions concernant l'estimation des flux de macro- et microplastiques. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le taux de production de plastique est une exponentielle, dépassant les 350 millions de tonnes par an, qui ne s'arrête de croître uniquement lors de crises financières ou pétrolières pendant de brefs instants. Dans un monde aux ressources finies, cette exponentielle ne pourra croître indéfiniment sans une réduction à la source de l'utilisation des plastiques. Comme l'explique Flore Berlingen, présidente de Zero Waste France, dans son livre « Recyclage, le grand enfumage », il faut arrêter avec le mythe du recyclage à l'infini et d'une pseudo-économie circulaire qui viendrait justifier l'utilisation sans limite des matières plastiques. Pour finir, il ne faut pas que nos déchets deviennent des ressources, mais éviter que nos ressources deviennent des déchets. Oui, merci beaucoup Romain Treille pour cette présentation. On va évidemment parler dans quelques minutes des solutions à apporter parce qu'il y a des solutions pour réduire cette invasion des microplastiques et pour essayer d'effacer une partie de cette trace de pollution écologique systémique. Peut-être un mot avant d'en arriver à cette partie, Alexandra Terral et Jean-François Guillion, sur quelque chose d'assez intéressant et qui me semble est moins connu du grand public, c'est la notion de plastisphère. C'est-à-dire que il n'est pas juste question de pollution, mais vraiment d'une modification, notamment en milieu marin, de la nature et des équilibres écosystémiques à cause de ce que l'on entend par plastisphère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Alexandra Terral? Je vais laisser Jean-François vous répondre parce que c'est vraiment sa spécialité. Alors Jean-François Guiglione, c'est à vous. Alors, il faut pas imaginer en fait qu'un plastique va rester inerte quand il va arriver dans la nature, que ce soit sur la terre ou dans la mer. Tout de suite, dès qu'il va arriver dans l'environnement, en fait, il va être colonisé par des bactéries. Et ces bactéries qui vivent sur la plastisphère, sur les plastiques, pardon, on les a appelées la plastisphère parce que c'est des bactéries qui sont un peu originales par rapport à celles qui vivent dans la nature. On voit une énorme diversité de bactéries qui arrivent à pousser sur ces plastiques. Les bactéries adorent ça. Et parmi elles, en fait, on se pose des questions. La première, ça va être est-ce qu'on a par exemple des bactéries ou voire même des virus en fait qui pourraient être attachés à ces plastiques. Et on se rend compte que on a parfois des bactéries même dans le milieu marin, on a détecté en fait des bactéries qui sont pathogènes pour les animaux marins. Donc ça c'est un premier résultat. Et puis la deuxième chose qui nous intéresse par rapport à cette plastisphère, c'est est-ce que les bactéries qui sont sur les plastiques sont capables de les dégrader. Et ça, on a pu prouver en fait que les bactéries pouvaient dégrader un peu n'importe quoi dans des conditions de laboratoire, mais par contre en mer, elles le font très très lentement et tellement lentement qu'on peut pas imaginer que ça soit une solution en fait à la pollution plastique. Malheureusement, on amène tellement de plastique dans les océans que la nature n'arrive pas à faire face, que ces bactéries n'arrivent pas à dégrader suffisamment rapidement les plastiques. Et ce qui est intéressant, si j'ai bien compris également, c'est que cette plastisphère du coup transforme avec cette colonisation ces microplastiques en nutriments, d'où l'ingestion particulièrement facilitée de ces microplastiques par la faune. C'est bien cela? Oui, parce qu'en fait, on va pas imaginer en fait que les animaux sont idiots et qu'ils mangeraient n'importe quoi. Du coup, si le plastique est resté propre quelque part, ils le mangeraient pas. Malheureusement, à cause de ce biofilm, en fait, il va donner pas une odeur, mais un aspect qui est attirant pour tous les organismes. Et comme ces plastiques sont des toute petite taille, du coup, en fait, tous les animaux vont se tromper dans l'environnement marin. Donc, on considère que toute la chaîne alimentaire va ingérer ces plastiques. Et cette ingestion, en fait, elle va avoir différentes conséquences. On imagine très bien qu'on peut ingérer, mais ensuite que ça va partir simplement dans nos excréments. Et quand on commence à avoir, comme dans le cas de la Méditerranée, autant de microplastiques que de la nourriture naturelle, pour certains poissons, par exemple, en fait, leurs estomacs vont être complètement congestionnés, simplement parce qu'ils se sont trompés avec ces plastiques. Et du coup, en fait, il y en a beaucoup qui meurent, en fait, simplement de plus être capable de se nourrir. Mais ça peut aussi bloquer le tube digestif, ça fait de la malnutrition. Et puis, on a beaucoup d'effets, en fait, pas seulement à cause de l'ingestion comme ça du microplastique, mais parce que le plastique, à l'intérieur du plastique, en fait, il y a beaucoup d'éléments chimiques qui vont être relargués. Notamment, on sait qu'on a des additifs qui sont des perturbateurs endocriniens et qui vont perturber les hormones des poissons, par exemple. Une autre de ces conséquences, c'est que il y a évidemment ce largage très important de microplastiques qui dérivent, qui fonctionnent un peu comme des radeaux, ça modifie aussi la répartition justement de la faune marine qui peut suivre et qui peut être emportée et attirée au large, changer, être sorti de sa bulle écosystémique à cause de ces espèces de radeaux que constitue la plastisphère, c'est cela ? Oui, il y a un travail qui a été fait après le tsunami de 2011, donc au-delà de la catastrophe que ça a été pour les humains. Il y a eu énormément en fait de déchets qui sont arrivés dans les océans. Alors, faut vous rappeler que le Japon, il est tout près en fait du gyre du Pacifique Nord. Donc, il y a beaucoup de plastique en fait qui sont arrivés dans le gyre du Pacifique Nord. Mais il faut pas imaginer en fait que le plastique reste là. Il va sortir ensuite du gyre du Pacifique Nord. Il va aller par exemple dans le monde entier. Mais il est arrivé en face sur le Canada. Et ce qu'on a pu voir en fait, c'est que il n'y a pas que des bactéries qui vont s'installer sur ces plastiques, il y a aussi des larves de différents animaux. Et on a trouvé en fait 50 espèces qui étaient typiques du Japon, qui ont été baladées comme ça et qui sont allées vers le Canada. Et ça, c'est un vrai problème parce que on connaît l'histoire des espèces invasives. Une espèce qui arrive dans un nouvel écosystème et si elle commence à s'installer durablement, ça peut vraiment perturber durablement un écosystème. Autre question aussi toujours liée à cette plastisphère, il y a des expériences qui ont été faites et qui montrent également que ces microplastiques sont des éponges à polluants organiques et que quand on trempe des microplastiques dans un écosystème marin, s'ils ne sont pas toxiques à l'origine, ils peuvent devenir toxiques au bout d'un certain temps d'immersion. Jean-François Guillon, là aussi, sur cette question. Ouais, c'est des choses qu'on a pu observer. Alors on a fait une expédition l'année dernière qui s'appelait avec la Fondation Terre Océan qui s'appelait Microplastique 2019. On est allé dans 9 des plus grands fleuves d'Europe et on a pu observer les microplastiques et leur capacité justement d'absorber différents polluants, parce que vous imaginez dans les 9 fleuves on a des polluants différents, et on s'est rendu compte que effectivement les microplastiques étaient vraiment des éponges, parce que pour vous expliquer ça facilement, en fait un plastique la plupart du temps il est hydrophobe. hydrophobe, il est huileux. Et si je mets deux gouttes d'huile côte à côte, vous savez, en fait, elles vont s'accrocher. Et ben, tout ce qui est huileux, en fait, va s'accrocher au plastique. Et on trouve là-dessus, ben, des hydrocarbures, des pesticides, des métaux lourds, un peu tous les polluants. Et ça, en fait, vous imaginez, en fait, quand c'est huileux, ça va rester comme ça dans l'eau. Et une fois que ça va être ingéré, ben, en fait, ça va être relargué dans les tissus huileux, les tissus adipeux, en fait, des animaux. Et donc, c'est un peu des bombes à retardement qui vont envoyer des polluants dans les animaux qui ont ingéré ces plastiques. Une question, Alexandra Terral, puisque là on parle des effets que l'on constate sur la faune marine, que se passe-t-il sur la faune terrestre, que se passe-t-il notamment sur les êtres humains? On a des études aujourd'hui qui attestent d'un effet de l'ingestion de ces microplastiques sur notre santé, sur la santé des plus jeunes ou au contraire des plus âgés. Est-ce qu'on dispose de données à ce propos? Ben, on commence à avoir des données. C'est vrai qu'on prend beaucoup des microplastiques dans l'environnement, et en fait on n'a pas conscience que il peut y avoir des résidus, des petites parties. Vous m'entendez? On vous entend très très mal. Là, j'avoue que ça coupe énormément, donc je ne sais pas si vous pouvez peut-être vous déplacer un peu ou à un endroit où vous avez un meilleur réseau. Je vais essayer ça. Oui, donc en fait, on ne prend pas conscience que dans nos aliments qui sont emballés dans du plastique, il y a aussi des petites particules de plastique qui sont présentes, et donc on est exposé à l'ingestion de plastique en consommant des aliments emballés. Donc, par exemple, il y a des études qui montrent que dans les eaux en bouteille, il y a des microplastiques qui sont présents. Et qu'on consomme plus de microplastiques effectivement quand on boit de l'eau en bouteille que de l'eau au robinet. Peut-être la même question, François Guillon, sur la santé. Hein, moi, en tout cas, de ce que j'en ai lu, il n'y a pas aujourd'hui d'études tout à fait claires et qui arrivent en tout cas à pointer la responsabilité unique et directe des microplastiques, puisqu'évidemment tout cela est extrêmement multifactoriel. On a un auditeur qui nous posait la question de savoir aussi si ces microplastiques peuvent avoir un impact en entrant dans les sols sur l'agriculture, sur le rendement de l'agriculture, ou sur la qualité, la santé des plantes. Alors, il y a eu la majorité en fait des travaux, ils ont commencé dans les océans. Donc, on a beaucoup plus de données dans les océans, et on sait que, par exemple, on a à peu près 200 espèces marines qui ingèrent tout le temps du plastique, et la moitié en fait rentre dans notre alimentation. Donc on sait notamment que sur les crevettes, dans chaque crevette on a 7 particules, que donc, quand on mange un plat de moule par exemple, on a 300 particules qui sont de plastique qu'on va ingérer. On en a dans le sel, dans la bière, on en a partout en fait. Et il y a une étude intéressante qui a été publiée cette année qui a regardé les plastiques qui étaient dans les organes humains. Donc c'était des organes qui étaient faits pour des greffes, mais ils ont pu les analyser. Et on a pu remarquer en fait qu'on avait des plastiques à la fois dans le poumon, dans le foie, la rate, le rein. Et c'est essentiellement ils ont trouvé, c'est ça qui est intéressant, ils ont trouvé du polyéthylène téréphtalate qui est le composé majoritaire de nos bouteilles. Et puis ils ont trouvé les additifs tels que du bisphénol A qui va perturber en fait nos hormones. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de faire le parallèle avec l'impact qu'on connaît en fait sur les organismes marins, par exemple. Pas parce que l'homme, on ne peut pas faire d'expérimentation sur l'homme, mais c'est évident en fait que tous les ingrédients sont là pour perturber un humain. Alors perturber de manière pernicieuse, on n'a jamais entendu une étude scientifique qui a prouvé en fait qu'un homme est mort avec un plastique, à part s'il met la tête dans un sachet. Mais à part ça, en fait, c'est beaucoup plus pernicieux quelque part. En fait, le fait qu'il y ait des additifs qui soient des perturbateurs endocriniens, on sait par exemple que ça crée de la puberté précoce chez les enfants, etc. Donc les effets, ils sont pas encore montrés, mais quelque part on sait qu'ils sont présents. Citiez tout à l'heure les 5 grammes de plastique par semaine. Oui. ça montre quelque part c'est une réalité, ça aussi c'est un peu extrapolé. Ça montre l'imprécision des scientifiques quelque part. Si on fait la somme de toutes les études qui montrent ça, quelque part je pense qu'on surestime. C'est pas 5 grammes par semaine, ça doit être 5 grammes tous les 6 mois, mais ouais, c'est ça. Peu importe. À la limite, ça montre que on a du plastique en nous, et qu'aujourd'hui tout ça, c'est dû essentiellement à l'emballage en fait, et à l'usage de ces plastiques à usage unique qu'il faut vraiment arrêter. Et le gouvernement part dans ce sens-là, puisqu'il a dit qu'en 2040 on arrêterait tout ça. Oui. Alors justement, passons un peu aux solutions, puisque c'était l'ambition de cette émission. Aujourd'hui, vous dites, Jean-François Guillon, qu'on peut avec nos connaissances actuelles, à moyen terme, à relativement courte échéance, réduire de 80% les déchets, l'émission de déchets plastiques vers l'extérieur. Donnez-nous quelques trucs ou astuces pour savoir qui peut s'en occuper. Est-ce que ça repose que sur nos épaules de citoyennes et de citoyens? Est-ce que ça repose sur les épaules des politiques, des industriels, des scientifiques? Expliquez-nous. Alors, c'est pas moi qui dis ça, hein. C'est un collectif de scientifiques qui a publié un article dans une très très bonne revue, donc on peut vraiment les croire. Quelle est-elle? Je crois que c'était dans Science, mais je suis pas sûr. En fait, c'est les premiers en fait qui arrivent à mettre des chiffres enfin, parce que ça fait des années qu'on parle de ça, mais en fait, eux, ils ont réussi à faire de la modélisation sérieuse et ils arrivent à 5 scénarios, mais on va en retenir 2. Le premier scénario, c'est on ne fait rien et là, on peut être pessimiste et dans ce cas-là, on se dit même avec les directives européennes qui existent aujourd'hui, même avec la législation qui existe aujourd'hui, on va avoir une augmentation de la quantité de plastique qui arrive dans l'environnement par 3 d'ici 2040. D'accord. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, et c'est sur celui-là que j'ai envie d'insister, et c'est la première fois qu'on a ces chiffres-là, c'est que si on ne fait rien de plus qu'aujourd'hui, si on n'invente rien de plus, mais qu'on met vraiment les choses en place, eh ben on aurait une réduction de 80% de cette pollution plastique d'ici 2040. Donc enfin, pour la première fois, on a un message d'espoir. Alors ça repose sur 3 leviers. Le premier levier, en fait, c'est les 3 leviers de l'économie circulaire. Le premier levier, en fait, ça va être les industriels et le gouvernement, en fait, qui va légiférer sur ce qu'on a le droit de vraiment mettre sur le marché. Donc là, c'est beaucoup de réflexions sur l'éco-conception, c'est-à-dire concevoir des produits dont on sait que 10% d'entre eux vont arriver dans les océans, dans l'environnement. Donc du coup, il faut penser à des choses qui soient biosourcées, biodégradables, compostables, etc. Donc ça, c'est les nouveaux produits qui existent déjà et qu'on n'a qu'à mettre sur le marché. Le deuxième volet, en fait, c'est le consommateur. Et là, ça va intéresser vos auditeurs parce que c'est assez simple de savoir si on est vertueux par rapport au plastique. Tout va se passer déjà au magasin, en fait, et la solution de voir si on est vertueux, c'est de simplement regarder notre poubelle jaune, la poubelle où on met les déchets d'emballage. En fait, si on en met trop, ça veut dire qu'il faut qu'on change de magasin. Donc au niveau du consommateur, c'est le premier message, c'est réduire. Donc évidemment, tout va se passer au magasin et il faut arrêter d'utiliser ces emballages et ces bouteilles en plastique. Privilégier le vrac, privilégier les libres services. Voilà, et c'est des choses qui existent de plus en plus, et on est moins des extraterrestres quand on arrive devant le commerçant en lui demandant en fait qu'il mette pour les légumes, en fait, qu'on arrive à plus avoir des légumes bio qui sont emballés, mais plutôt les mettre dans un sac en papier, par exemple. L'autre aspect, c'est réutiliser, parce qu'on est vraiment dans une société de surconsommation, du jetable, et là, il faut qu'on arrête de réfléchir comme ça. Et évidemment, le troisième levier, c'est la collecte de vraiment bien trier et de vraiment collecter. Et avec un message, quelque part, qu'on donne, même au niveau des écoles, hein, des jeunes, de quelque part, de se dire, de se faire plaisir avec ça, parce qu'on a vraiment, c'est une pollution qu'on voit tous. Et quelque part, le fait de mettre un objet à la poubelle qu'on voit, par exemple, traîner par terre, on peut se dire, je suis en train de sauver un animal, parce que si cet animal, s'il l'ingère, il va avoir, ça va avoir des effets délétères. Donc il y a aussi cet aspect de se dire qu'on peut le faire avec un autre niveau, quelque part, et puis de le faire avec plaisir. L'étude que vous évoquez est publiée le 18 septembre dernier, effectivement, dans la revue Science. Alexandra Terral, là-dessus aussi, donc on a les moyens aujourd'hui d'arrêter, et donc en bout de chaîne, de réduire la production mondiale de plastique avec les moyens du bord, en quelque sorte. Oui, Jean-François a bien expliqué tout ça. On peut aussi continuer avec un peu des messages d'espoir et d'encouragement en disant que en Europe, on arrive maintenant globalement sur l'Europe à recycler à peu près 30% du plastique, et il y a eu une augmentation de 10% sur ces 10 dernières années. Donc on voit qu'il y a un effort et que ça paie. Et ensuite, le principal de mes activités de recherche, c'est de faire des mesures sur le terrain. Et j'aime bien cet exemple en Californie, où ils ont interdit l'usage des microbilles, vous savez, dans les cosmétiques. Et très rapidement, une fois que ça a été interdit, les scientifiques qui faisaient des mesures en Californie ont vu qu'il n'y avait plus de microbilles qu'ils retrouvaient dans les fleuves. Donc si on arrête les émissions, très vite, on pourra revenir témoigner en disant qu'on en retrouve moins dans les mesures, dans les fleuves Selon le vieil adage qui dit que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, et parce que encore une fois, le recyclage c'est une bonne chose, Alexandra Terral, mais le recyclage ne fait pas tout. Il faut vraiment limiter. On aura compris notamment le fléau principal, ce sont les plastiques à usage unique, donc les sacs en plastique, les bouteilles en plastique, évidemment les couverts en plastique qui vont être interdits dans quelques années. Quoique je crois que ça a été repoussé un peu, si mes souvenirs sont bons, Alexandra Terral, non? Oui, c'est vrai que ça a été repoussé. Je pense que le message que voulait faire passer Jean-François Guillonne, auquel je m'associe, c'est de, en tant que consommateur, on a un moyen d'action en réduisant ses emballages et en choisissant les produits qu'on va acheter. Après, je pense qu'au niveau des industriels, il y a des efforts à faire pour concevoir des emballages plus vertueux et qui sont plus facilement recyclables. On a, par exemple, maintenant beaucoup de produits qui contiennent plusieurs couches de plastique. Alors, par exemple, pour qu'ils soient plus brillants ou plus attractifs d'un côté marketing. Et ce genre d'objets sont très difficiles à trier, à proscrire. Ils se recyclent pas. Donc, en fait, on pourrait aussi imaginer, mettre des notes sur les emballages et qu'ensuite le consommateur il puisse sélectionner le type d'emballage et préférer celui qui sera bien recyclable plutôt que celui qui va poser des soucis dans le tri. Vouliez dire, alors deux choses peut-être, une chose qui est importante de préciser parce que ça va un peu dans l'imaginaire collectif, c'est que en l'occurrence on a vu quelques reportages sur ces projets parfois un peu fous de nettoyer les océans. Nettoyer les océans aujourd'hui, Alexandra Terral, c'est un fantasme? Oui, c'est un fantasme. Ils sont dispersés sur des millions de kilomètres carrés. C'est des objets qui sont éparpillés et donc il faut une énergie folle pour aller collecter ça. Ça demande beaucoup de gazole, il faut prendre des bateaux. Enfin, donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de ces projets naître. On est aussi beaucoup sollicité par plein de jeunes qui veulent aller faire des aventures comme ça, de l'exploration. Ils sont très dynamiques. On voit aussi que les jeunes boudent un peu toutes les filières de chimie, de plasturgie, tout ça. Et moi, je les encourage à venir pour justement créer les nouveaux plastiques et les nouveaux emballages de demain qui seront beaucoup plus vertueux et qu'on pourra recycler plus facilement. Donc ça, c'est un message pour les jeunes. Ne boudez pas... Faites de la chimie. Ne boudez pas la chimie au lycée. Chimie. Et allez, engagez-vous dans les voies de chimie des nouveaux matériaux et des matériaux recyclables de demain. Jean-François Guiglione, un mot là-dessus aussi, peut-être sur cette fiction du nettoyage des océans. Et aussi, peut-être pour casser une idée, c'est que vous dites que les chercheurs et les industriels ont le désir de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de la part des industriels qu'on dépeint souvent comme étant les méchants qui continuent à produire du plastique parce que ça coûte pas cher et que ça rapporte gros. Alors ouais, c'est évident en fait que les solutions elles sont ni en mer ni dans les fleuves comme on a pu le voir, parce que comme on le disait en fait depuis le début de l'émission, le problème c'est ces microplastiques qui sont la majorité des plastiques qu'on va retrouver dans l'environnement finalement, et ceux-là on pourra jamais les collecter. Donc effectivement il faut agir en amont, et comme vous le disiez en fait il faut absolument qu'on arrive à faire le lien entre le consommateur, l'industriel et puis le scientifique et le recyclage. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'étude scientifique qui disait qu'on avait les solutions, ce qui est intéressant dans leur étude, c'est que c'est un tiers dans les mains de l'industriel, un tiers dans les mains du consommateur, et ça c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment agir, et un tiers dans les mains du recyclage pour qu'on arrive à bannir complètement cette pollution plastique. J'ai une question intéressante d'un auditeur aussi qui me dit, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'eau en bouteille et de l'eau du robinet, qui nous dit les tuyaux qui amènent l'eau dans les habitations sont en plastique. Est-ce que ça veut dire que l'eau du robinet est malgré tout, elle aussi, contaminée par des microplastiques à cause de ces canalisations? Jean-François Guillon ou Alexandra Terral, si vous voulez. Quand on lit les études qui comparent les taux de microplastiques dans les bouteilles et l'eau du robinet, il y en a beaucoup plus dans les eaux en bouteille que dans l'eau du robinet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout dans l'eau du robinet. Voilà, c'était ça la question, je crois. Oui, alors après, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été publiées sur les eaux des robinets. Donc, Voilà, mais les concentrations étaient beaucoup plus importantes dans les eaux en bouteille. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler des microplastiques. Hein, vous l'avez entendu, voilà, soyez vigilants, bannissez si vous le pouvez les plastiques à usage unique. Fini les gobelets en plastique, les bouteilles en plastique, les couverts en plastique. Essayez de prendre du recyclage, d'utiliser des gourdes, tout ça. Eh bien, ça sauve, comme l'a dit tout à l'heure Jean-François Guillonne, des animaux marins. Merci à tous les deux, merci Alexandra Terral, merci Jean-François Guillonne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme tous les mercredis, on a repris le rythme normal. C'est le jour où vous pouvez retrouver les idées claires en podcast sur l'application Radio France. Ainsi que sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, avec aujourd'hui bien une question: est-ce que le tout répressif, ça fonctionne pour les drogues? Voilà, une réflexion intéressante à avoir sur les politiques actuelles en matière de répression des drogues. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Olivier Bétard, à la réalisation, Alex Dang aujourd'hui à la technique. Demain, eh bien, nous avons de la chance d'accueillir un Nobel de plus dans La Méthode Scientifique. Nous allons faire toute la lumière sur la lumière avec Serge Haroche, qui publie La lumière révélée, de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique. C'est chez Odile Jacob. Serge Haroche dans La Méthode Scientifique sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.